la radio du festival Archipel, en direct de 10h à midi sur archipel.org. C'est bien parce qu'on peut lui couper les poils. On lui fait une petite coiffure. Moi, je voulais essayer avec une rasoir. Ah oui, ça serait bien. Ouais. Mais je sais pas. Vous enlevez le scotch aussi? Non, là, c'est... Ça n'est pas vraiment. Oh, ça m'énerve un peu. Ça alors, fait moi, plaisir. Je suis Lisa. Et j'aide... Je travaille pour Yvonne et Luc. Avec Emma, Thérèse, Adi et Émilie. On est une grosse équipe qui faisons la scénographie. Et là, pour l'instant, aujourd'hui, on a collé des moquettes, collé des scotchs, décollé de la scotch, décollé de la moquette. Ça ressemble un peu à une banquise, avec des moquettes blanches, et où en dessous des moquettes, il y a des coussins. En fait, là, on a fini cette pièce presque. Ça va être quoi, la scénographie, ici, Yvonne? Ici, ça va être un peu ambiance jeu, avec des montagnes, des endroits... tout doux, optiquement intéressant pour du jeune public. Mais on trouve aussi toujours, en fin de journée, des techniciens qui dorment sur une surface moelleuse, qui invitent à venir se reposer. Voilà. Et il y a des stages pour enfants qui ont lieu là-dedans. Et des concerts de jeunes personnes, pour les jeunes personnes. Et les autres espèces que vous allez scénographier, ils vont ressembler à quoi ou... Alors, on a un ciel nuageux un peu partout. C'est-à-dire qu'on a mis des plaques en laine qui améliorent le son dans cette maison qui a beaucoup de surface qui réfléchissent le son. Et du coup, c'est assez difficile de parler. Il y a la grande salle dans laquelle il faut laisser un peu de mobilité parce que tous les projets ont... leur logique et du coup le public doit pouvoir être installé de façon assez diverse et on a des flaques de moquettes par terre qui peuvent être mis selon le dispositif nécessaire pour l'écoute de tel ou tel projet. Après on a des installations sonores et il faut venir, il faut voir. Merci. Un document qui est sur Google Docs. Regarde, par exemple, moi je lui ai dit que je vais imprimer ça à 130%, tu vois. Mm-hmm. Et puis du coup, c'est 21 pages. Mais de ces 21 pages, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vraiment où il y a quelque chose, tu vois. Okay. Tout d'un coup, il y a ça. C'est peut-être ça, non? Oui. Mais tu prends celle que tu veux vraiment. Ben, du coup, moi je suis chargée de production. Donc mon travail, c'est vraiment de préparer les contrats avec les artistes, d'anticiper vraiment leur accueil, donc réserver les logements, s'occuper des transports, etc. Puis sur place, de les accueillir, de vérifier que tout va bien. Donc voilà, il y a toute cette partie-là. Et puis il y a aussi la gestion des bénévoles qui viennent nous aider au moment du festival. Tu peux me dire où est-ce que vous en êtes des préparatifs? Et bon, on a fini. Voilà, on est prêts. On est prêts. On attend patiemment que les gens arrivent. Mais non, pour la production, on n'est pas trop mal. Et il y a les premiers artistes qui commencent à arriver. Alors moi, je prépare les tableaux pour la cuisine qui vont nous permettre de savoir qui travaille quand. Parce que nous, on est 3 cuisinières responsables et nous avons une équipe de 6 aides cuisine. Mais on n'est pas tous en même temps au travail. Du coup, chaque responsable est là pour un repas avec 2 aides cuisine. Et puis, on a des horaires qui tournent. Du coup, je suis en train de préparer les tableaux qui vont permettre à chacun de savoir qui travaille quand, c'est quoi le menu, pour combien de personnes, à quelle heure ça doit être servi et toutes les allergies qu'il y a pour chaque repas. Depuis déjà 2 ans, c'est la 2e année où tous les repas, la totalité des repas, c'est végétarien. On essaye... c'est un peu le style de les 3 cuisiniers, c'est pour ça qu'on se ressemblait, parce qu'on aime bien faire la cuisine plutôt locale et plutôt de saison. même si bon, des fois on fait des écarts parce que c'est pas évident d'avoir toute saison, surtout en Suisse, il fait trop froid ici et puis ça tarde à arriver les produits de saison. Et puis on aime bien faire un peu la cuisine de partout. On va avoir des plats asiatiques, on va avoir des plats italiens, on va avoir de mix de toutes sortes d'influences en même temps. Et puis on essaie d'avoir des repas équilibrés, colorés, avec beaucoup de légumes. On met en avant les légumes. Et puis bah, toutes les protéines végétales possibles pour que ça soit des repas nourrissants et complets. Sur la tête de qui ? Ok, alors Thierry Simoneau, Antoine Siron, Olga Kopcharova, plus toute l'équipe qui monte le plateau. Et ben, on est en train de monter le dispositif du salon d'écoute d'Archipel dans la salle Pitof. Les deux camarades là, sont en train de monter les praticables qui vont constituer la scène sur laquelle on va écouter et se poser pour écouter. Et puis avec Olga et Antoine, on est en train de monter des haut-parleurs un peu partout, au-dessus, à gauche, à droite, devant, derrière, en haut, en bas. Des haut-parleurs, un peu de tous côtés. On va utiliser tous ces couples, tous ces haut-parleurs différents pour faire entendre des pièces qui sont faites d'habitude en studio pour être écoutées sur peut-être une paire de très bons haut-parleurs à la place du prince, à la pointe du triangle. Mais là, ce dispositif permet d'entendre ces pièces de façon plus agréable et aussi peut-être un peu magnifiée pour un plus grand nombre de personnes. On n'a pas besoin d'être à la place du prince pour que ça soit intéressant. Ça va être tous les midis pour des écoutes, là, pas nécessairement avec de la mise en espace, des fois juste une écoute élargie, c'est ça. Sinon, tous les soirs à 10h30, il y aura quelque chose. Parfois aussi avec des musiciens en direct, parfois juste des sons fixés. Trop bien, merci beaucoup. Puis t'es chaud. Mais tu es chaud, là, en fait, il faut peut-être... Là, non, il est sur I. Et là, c'est S1, regarde. Et là, essaye maintenant. Ça, c'est la maison. Et c'était... Non. OK. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un robot qui coupe l'herbe. Mais on va voir si elle fonctionne. Ouais, c'était ça. Là. Ouais, ça fait un an que tu es dans le froid. Mais attends, il n'a pas de signal. Mais... Ça se démarre avec une app ou pas? Non, app en fait, on n'a pas utilisé au final. Non, ça veut dire que c'est pas connecté. Si, elle peut connecter. Et là, je suis Nouria Kassinova. Je suis partie d'un collectif Totem. Et là, on travaille sur l'installation d'une salle qui est place de jeu, en dehors de station-service. Donc voilà, on installe le robot qui coupe l'herbe. Voilà. C'est quoi le principe de votre spectacle de demain? Bon, c'est une performance installation participative qui dure 4 heures. Chorale, pour nous, c'est comme un organisme et station-service aussi. Donc, c'est un peu comme traduction pour nous de prendre le concept de chorale et puis traduire vers une station-service. Ah. Donc, avec les clients qui viennent, avec les gens, les réguliers. Après, il y a les autres qui passent juste pour prendre un coca ou ramener en DHL, la poste. Donc, voilà, il y a toujours le mouvement, il y a toujours quelque chose qui se passe. Même si peut-être il ne se passe rien de temps en temps, mais il y a quand même un mouvement, toujours. Non, donc on a commencé à travailler depuis 2015 ensemble. Et ça, c'est pour moi, c'est comme une trilogie. Donc le premier, on a déjà fait la production qui s'appelait Baleine. Et deuxième, Méduse. Et puis là, le troisième, Chorale. Voilà. Ensuite, pour l'instant, c'est trilogie. Voilà. Donc, c'est encore... peut-être ça va continuer. Ok, merci. Léo, ton pied, il est bon ? Après, je peux baisser au micro si tu veux là-bas. J'étais trop fort. Alors moi je fais pas partie du collectif, c'est Léo qui m'a invité en tant que musicien. Et, je suis vraiment présent dans le spectacle comme musicien à faire produire toutes sortes de sons avec tous les dispositifs que j'utilise d'habitude en solo pour mes concerts de musique expérimentale. Et donc là il fallait tellement de sources de sons différentes pour sur 4 heures de concert que j'ai dû prendre tous mes projets que d'habitude j'utilise en solo pour les ramener sur la même table et tous les utiliser. Tu es un saxophoniste? Oui, je joue le saxophone. Et après, je joue aussi la musique contemporaine et la noise. Dans ma équipe, on a nous trois. Je suis aussi la flûtiste dans ce spectacle, dans ces performances. J'apprécie aussi beaucoup l'improvisation. Voilà. Nous, en fait, nous trois, on s'est rencontrés. Bon, avec Léo, on s'est rencontrés à Genève pendant nos études. Bon, moi, j'ai fait des études classiques. Et puis, à Zurich, on s'est rencontrés avec Kay. Et c'est là où on a commencé improviser beaucoup au début. Et trouver les manières de présenter aussi la musique contemporaine à la public qui sont pas forcément musiciens. Rejeter un petit peu de théâtre, un petit peu de mouvement, un petit peu de... Voilà, juste pour essayer et puis pour avoir plaisir aussi de cette zone inconnue. C'est ce qui nous a unis, nous trois, je pense.